Le 53e anniversaire de l'intégration du comité central du Parti du travail de Corée par le général Kim Jong-il a été traité par les médias de divers pays. Les journaux laotiens Patirao et Bien Tianmai, le journal népalais Arfan, les homepages internet de l'Association des journalistes népalais d'études des études de justice et de la politique de Sungun et de l'Association d'amitié Népal-Corée ont inséré des articles spéciaux avec le portrait en sourire du général Kim Jong-il. Le journal indien World Mirror a fait une rédaction spéciale avec sa photo. Et le journal birman de New Age, le journal syrien Al-Bas, l'agence de presse AKP et la radio nationale du Cambodge, les homepages internet du Comité national nigérien d'études du kimilsonisme Kim Jong-unisme et du forum allemand anti-impérialiste ont présenté la vie révolutionnaire du général qui a consacré tout pour le développement du Parti du travail de Corée et le progrès victorieux des œuvres du socialisme et de l'émancipation anti-impérialiste.